deuxième temps de notre série consacrée aux organisations internationales et à leur histoire. Et ce matin, une émission d'archives consacrée aux 100 ans de l'OIT. Après nous être intéressés hier à l'histoire de l'AIT, dite première internationale, nous nous intéresserons ce matin à la naissance, après-guerre, de la Première Guerre mondiale, de certaines organisations internationales comme la SDM, et plus exactement à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, une sorte de coproduction franco-anglaise datée de 1919, et commémorée ce matin à Genève en présence, entre autres, du président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel. Nous le ferons en compagnie de Séverine Yattard, qui a préparé toute cette semaine avec nous et qui va la co-animer cette émission. Sandrine Cotte sera avec nous. Elle est professeure d'histoire de l'Europe à l'Université de Genève. Vous avez coordonné un numéro du mouvement social sur l'OIT et écrit un livre sur cette même organisation en anglais, Globalizing Social Rights chez Palgrave. Et puis Isabelle Lespinet-Moret est également avec nous. Elle est professeure à Paris 1 et directrice adjointe du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Elle est auteure avec Vincent Viette de l'OIT Origine, Développement et Avenir. Et enfin, Françoise Thébault est avec nous depuis les studios de Radio France à Grenoble. Elle est professeure émérite à l'Université d'Avignon, membre du LABEX Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, historienne des femmes et du genre, et elle a publié chez Belin une traversée du siècle, Marguerite Thibert, femme engagée et fonctionnaire internationale. Voici devant le bâtiment du Bureau international du travail. Ce bâtiment qui abrite le Bureau international du travail a été construit en 1926, bien avant donc le Palais des Nations. Il est situé au bord du lac de Genève, dans un parc magnifique qui borde la route de Lausanne à l'une des extrémités de Genève. Bien, toute l'année, des touristes, des groupes d'étudiants viennent visiter le Bureau international du travail, non pas les bureaux, vous le comprenez bien, mais ils viennent regarder les œuvres d'art que les différents pays ont offert au Bureau international du travail, qui est aussi le secrétariat de l'Organisation internationale du travail. Nous allons entrer maintenant dans le bâtiment. Et nous voici dans le hall d'entrée. À droite, on trouve immédiatement un buste de la première personne qui a eu l'idée de réclamer une législation internationale sur le travail pour résoudre les problèmes sociaux. Il s'agit d'un Français, un industriel. C'est Daniel Le Grand qui adressait un appel dans ce sens à tous les gouvernements en 1853. Plus loin, nous allons nous avancer dans ce hall. Voici des portraits des personnalités qui ont, au sein de l'Organisation internationale du travail, servi la cause du progrès social et de la paix. Nous avons pénétré maintenant dans une grande salle. Vous sentez certainement que la tonalité a changé. C'est une grande salle qui est déserte, qui apparaît un peu comme toutes les salles de réunion, mais pas tout à fait cependant, car les sièges semblent disposés d'une façon tout à fait particulière, c'est-à-dire en trois sections. J'aimerais demander à M. Cariche, attaché de presse au BIT, pourquoi cette disposition particulière. Elle est effectivement séparée en trois sections, l'une au centre pour les représentants des gouvernements, une autre à droite, en regardant la tribune, pour les représentants des employeurs et celle de gauche pour les représentants des travailleurs. J'aimerais maintenant signaler à nos auditeurs que nous sommes en face d'un gobelin qui est suspendu à l'un des murs de cette salle, un gobelin offert par la France. Il y a de l'autre côté de la salle, derrière des vitrines, des documents portant des signatures célèbres. Nous voyons la signature de Franklin Roosevelt, de Winston Churchill, d'Aristide Briand, de Gaston Doumergue, un autre de l'empereur du Japon et bien d'autres encore. Un reportage de Joël Escoffier dans les bureaux de l'OIT à Genève en 1959 pour une émission édition spéciale de la RTF datant du 29 mai 1959. Bonjour Séverine Yattard. Bonjour. C'est déjà une lecture de façade comme on en a fait comme beaucoup. Comme on en a fait pas mal, hein, voilà. Finalement, c'est rien de nouveau. On entend en particulier effectivement les changements d'ambiance entre le grand hall, entre la salle de réunion et effectivement cette description faite par Joël Escoffier à un moment où la télévision était si peu pratiquée d'une certaine façon que la radio avait le devoir de décrire ce qu'elle faisait. Bonjour à vous, Françoise Thébault. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission consacrée à l'Organisation internationale du travail. Vous nous expliquerez dans un instant pourquoi Marguerite Thibert y trouve largement sa place. Bonjour Isabelle Lespinet-Moret. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à Paris, ainsi que Sandrine Cotte qui a fait le déplacement depuis Genève. Merci d'être avec nous dans ce studio. Sandrine Cotte, alors cette OIT créée en 1919 et dont on va célébrer aujourd'hui le centenaire à Genève, c'est une organisation qui naît dans la foulée de la Première Guerre mondiale, en même temps que la SDN, qui a la particularité, c'est ce que disait ce reportage, d'être tripartite. Ça veut dire quoi ? Ah, tripartite. En fait, je pensais rebondir, excusez-moi Emmanuel, sur la description qui avait été faite du bâtiment, parce que c'était très intéressant la manière dont il présentait les œuvres d'art, qui, selon la personne qui faisait le commentaire, donc c'est en 1959, ouais, hein, c'est-à-dire avant que le bâtiment de l'OIT, du BIT en fait, du bureau, soit occupé par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, puisque c'est maintenant l'Organisation Mondiale du Commerce qui occupe ce bâtiment, il a expliqué que c'était les gouvernements, et ça rebondit un petit peu sur la question posée, qui avaient donné ces œuvres d'art. Or, la plupart des œuvres d'art qui sont dans le bâtiment actuel de l'OMC, ancien bâtiment du BIT, ont été données par les syndicats. Ah. Et pas du tout par les gouvernements, en particulier la fameuse céramique qui a été longtemps masquée quand c'était le bâtiment du GATT puis de l'OMC, qui avait été donnée par l'international syndical d'Amsterdam, et puis surtout la très belle peinture de Maurice Denis, qui a été donnée par les syndicats chrétiens en compensation, en combat avec le don... le don des syndicats sociaux-démocrates, on peut le dire. Et puis, il y a surtout une grande peinture murale de Dean Cornwell sur le travail qui a été donnée par l'American Federation of Labor, qui est certainement la plus belle peinture, mais qui a été très, très longtemps masquée. Et donc, ce sont trois syndicats. Alors, pour répondre maintenant à la question, pourquoi est-ce qu'ils pensent que ce sont les gouvernements et qu'en réalité, ce sont les syndicats? Eh bien, parce qu'effectivement, l'Organisation internationale du travail est une organisation tripartite, c'est-à-dire que on a des représentants des gouvernements, donc au moment de la conférence internationale du travail qui s'est ouverte hier, pour chaque pays, deux représentants des gouvernements, un représentant des syndicats des travailleurs, dans le langage OIT, on ne dit pas des salariés, mais des travailleurs, et un représentant des employeurs. Donc c'est une organisation tripartite. Ce tripartisme s'ancre en fait dans une très très longue tradition de réforme sociale libérale en réalité. Et puis les Anglais disent que c'est eux, les Français disent que c'est eux. chacun dit que... au fond, la tradition est une tradition soit britannique, soit française. En réalité, c'est une tradition libérale, telle que la réforme sociale libérale s'est développée dans le courant du 19e siècle. Et pourquoi alors cette OIT, ce BIT, hein, ça aussi, hein, ouais. On ne sait jamais, parfois, si on parle de BIT, l'OIT se met en place, justement, en 1919, après la guerre, avec cette idée de préservation de la paix, ces idées de coopération économique, de coopération entre les classes, et puis répond aussi à des mouvements du 19e siècle qui sont peut-être pas tout à fait ceux justement de l'AIT dont on a parlé hier dans l'émission, Isabelle Lespinet-Moret. Alors effectivement, la création de l'OIT est une maturation longue, hein, sur le long terme, qui prend des racines à la fois dans tout le mouvement socialiste et internationaliste socialiste. Il faut prendre aussi en compte la montée des syndicats dans tous les pays industrialisés et leur organisation internationale. Il y a aussi un mouvement de réforme libérale, hein, qui est très fort et qui s'est déjà un peu structuré avec l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, qui elle a vu le jour en 1900 à Paris, et qui a déjà essayé de mettre en place des conventions de travail avant la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a surtout le choc de la Première Guerre mondiale et la nécessité de payer la dette sociale, hein, des États par rapport aux citoyens, par rapport aux travailleurs, et donc essayer d'améliorer leur sort après la guerre. Et puis, il y a aussi une crainte, hein, qui est celle de la contagion révolutionnaire. Il y a la révolution russe dans tous les esprits, hein, 1917, mais il y a aussi la révolution spartakiste hongroise et des mouvements de grève vraiment importants dans la plupart des pays industrialisés. Et quand on parle de travailleurs, effectivement, il y a l'ambiguïté de savoir quel mot, quel sens on donne à ce terme de travailleur, Sandrine Cotte, et évidemment, selon qu'on est d'un côté du spectre politique ou de l'autre, ça n'a pas le même sens, et en particulier si on est communiste, ça n'a pas le même sens que si on est social ou libéral. Dans la constitution de l'OIT de 1919, qui constitue la 13e partie du traité de Versailles, donc on voit très bien que c'est une organisation qui clôt en fait la Première Guerre mondiale, le mot travailleur est défini comme comme salariés. En réalité. Hein, c'est très clairement défini comme salarié. On dit wage earners en anglais, c'est encore plus clair. Et au fond, toute la lutte des fonctionnaires donc du Bureau international du travail, le bureau c'est le secrétariat de l'organisation, hein. Donc toute la lutte des fonctionnaires du bureau et en particulier d'Albert Thomas va être dès le départ, premier directeur, va être dès le départ d'accroître, d'élargir en fait la base sociale de ceux auxquels l'Organisation internationale du travail peut s'adresser. Séverine Yatta. Oui, Françoise Thébault, nous parlions tout à l'heure des œuvres et des fresques qui étaient dans ce bâtiment. Vous, pour aborder la personnalité de Marguerite Hibert, justement, vous revenez sur cette fresque et justement, vous constatez le manque, l'inexistence de femmes. Hein, les travailleuses ne sont pas représentées, les femmes syndicalistes ne sont pas représentées non plus. Et là aussi, ça dit quelque chose sur finalement la problématique est évidemment du genre dans cette organisation et comment est traitée aussi la problématique du travail des femmes en général. Françoise Thébault. Oui, pour ouvrir un article sur le genre de l'OIT, je suis effectivement partie de ses œuvres d'art, hein, La dignité du travail de Maurice Denis et l'œuvre offerte par la Fédération syndicale internationale. Ces deux œuvres, concurrentes peut-être idéologiquement, montrent toutes les deux le caractère masculin de l'organisation, mais qui n'est pas étonnant hein, au début du XXe siècle. Et de fait, l'organisation, on vient de parler d'organisation tripartite, au gouvernement, syndicats, ouvriers, organisation des employeurs. Il n'est pas prévu une représentation des organisations féminines, qui à l'époque sont déjà extrêmement nombreuses, hein, au niveau national comme au niveau international. Et la question du travail des femmes est envisagée par l'organisation, bien évidemment, et dès le début, puisque c'était quand même une question débattue au sein du mouvement ouvrier dans tous les États membres de l'OIT. Mais cette question du travail des femmes est essentiellement vue au début de l'OIT par rapport à l'hygiène, pourrait-on dire, par rapport à la protection des travailleuses, par rapport à la santé de ces travailleuses et à leur capacité procréatrice. Et on en reparlera sans doute, hein, les premières conventions internationales du travail, adoptées à la première conférence à Washington en 1919, comportent des conventions protégeant spécifiquement les travailleuses, notamment la Convention 3 de protection de la maternité et la Convention 4 d'interdiction du travail de nuit. Et ces conventions protectrices font débat à l'intérieur du mouvement féministe international. Et pendant l'entre-deux-guerres notamment, l'OIT va être en butte à l'opposition d'un courant qui s'organise à l'échelle internationale, qui est le courant de l'Open Door international, l'international de la porte ouverte pour l'émancipation de la travailleuse, c'est le terme intégral. Et cette organisation internationale refuse, conteste les mesures de protection spécifiques du travail des femmes. On y reviendra avec vous dans un instant, Françoise Thébault. On évoquait tout à l'heure le nom d'Albert Thomas, on va entendre sa voix, Isabelle Lespinet-Moret. Qui est-il et en quoi est-il en lien justement avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale et l'immense massacre et donc hécatombe des soldats de la Première Guerre mondiale. Et il y a un lien entre cet Albert Thomas de la Première Guerre mondiale et cette organisation internationale de 1919. Alors Albert Thomas est un socialiste français, il est maire de Champigny et député de cette circonscription. Il a été ministre de l'armement pendant la Première Guerre mondiale et c'est un historien normalien. Il a tout de suite dans sa formation politique, hein, pensé internationalement et était extrêmement bercé dans le socialisme allemand. Hein. Et donc après la Première Guerre mondiale, il apparaît comme celui aux yeux des organisations syndicales ouvrières, qui pourrait mener un dialogue tripartite. Et il est soutenu aussi, finalement, in fine, par les organisations patronales. Voilà. Et donc, ça lui permettra d'avoir sa place comme directeur de cette organisation, donc pendant quelques années, puisqu'il mourra, il disparaît enfin, en 1932. Voilà, en 1932. Soudainement, il meurt à la gare Saint-Lazare, très soudainement. Et d'ailleurs, c'est en 1932, l'archive que vous avez retrouvée, Séverine Yatard, issue d'une émission du 50e anniversaire de l'OIT, eh bien, justement, Albert Thomas rappelait les principes de base de cette organisation qu'il avait contribué à fonder. Le Bureau international du travail a été établi par les traités de paix pour relever en tout pays et pour uniformiser autant que possible les conditions de travail et de vie des ouvriers. Des résultats sérieux ont été obtenus. Les femmes, les enfants ont été universellement protégés contre les abus du travail excessif ou prématuré. C'est au milieu d'une crise sans précédent, au milieu des difficultés inouïes où se débat l'économie mondiale, que le Bureau international du travail doit aujourd'hui poursuivre sa tâche. Il s'efforce de protéger les ouvriers contre le manque de travail et ses conséquences. Il s'efforce de les placer. Il s'efforce même de recréer du travail. Il a proposé de grands travaux publics internationaux. Quel que soit cet effort d'organisation, il est certain que le Bureau déjà a obtenu des résultats pour protéger les travailleurs contre les misères, les injustices et les privations dont parle le traité de paix et qui continue aujourd'hui même de peser sur l'ensemble des travailleurs du monde. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, une émission consacrée dans une série sur les organisations internationales et leur histoire à l'Organisation internationale du travail. On vient d'entendre en 1932, année de sa mort, Albert Thomas, qui a donc dirigé pendant longtemps cette Organisation internationale du travail. C'est Brignatin. Oui, 1932, c'est pas une date par hasard, Sandrine Cotte. On est en pleine crise, oui, si je puis dire. Et on pourrait parler aussi du coup du rôle à la fois d'Albert Thomas dans les préconisations qu'il va donner, les politiques de grands travaux, il est assez pionnier à ce niveau-là, et du rôle des États-Unis. Alors, qui rentre en 1934, mais qui est déjà largement présent au sein de l'OIT. Alors, je ne sais pas, Sandrine Cotte ou Isabelle Lespinet-Moret. Bon, sur le, juste un tout petit peu, un tout petit retour là sur ce que vient de dire Albert Thomas. Je trouve ça très intéressant parce qu'il a parlé du BIT et jamais de l'OIT. Donc, on voit bien. Il faut peut-être lever l'hypothèque pour les auditeurs. Alors, qui nous écoutent. C'est très simple. Le BIT, Bureau International du Travail, c'est le secrétariat de l'organisation qui s'appelle Organisation Internationale du Travail. Et le directeur, donc lui, Albert Thomas, est directeur du bureau. Il n'est pas directeur de l'organisation. Donc il parle effectivement au nom du bureau. C'est tout à fait logique. Mais c'était quand même assez amusant parce qu'en fait, ce qu'il expliquait, c'était ce que faisait l'organisation et pas ce que faisait le bureau exclusivement. Deuxième chose qui était intéressante dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a parlé exclusivement des ouvriers. À un moment donné, il a prononcé le terme de travailleur, ce qui montre très bien à quel point, au départ, il y a une focalisation de l'organisation sur les ouvriers, c'est-à-dire en fait les ouvriers d'industrie. Donc, et effectivement, Albert Thomas s'est beaucoup engagé. Il a eu un programme de grands travaux européens qui a échoué en fait parce que tout ce plan a finalement jamais été accepté par la Commission économique et financière de la Société des Nations qui devait en fait fournir et par la Banque internationale. Et le patronat, Sandrine Cotte, en particulier ou c'est pas tellement une opposition du patronat. Non. C'est vraiment une opposition. Il faut comprendre que ces organisations internationales, elles sont déjà dès le départ en compétition. Et l'Organisation internationale du travail est en compétition avec la section économique et financière de la Société des Nations. Et c'est eux qui, en fait, bloquent. Et il faut remercier Albert Thomas d'avoir été historien et d'avoir pensé à conserver les archives qui vous permettent à toutes de travailler sur cette organisation. Organisation internationale du travail. Isabelle Lespinet-Moret. Oui, je voulais rajouter à propos de ce plan plan de chômage qui est vraiment une grande préoccupation de du BIT hein, et de l'OIT. Donc dès l'après-guerre, il y a beaucoup de pays qui connaissent un taux de chômage important et donc cette question-là est débattue, analysée, étudiée par le bureau et ensuite ça donne lieu à des conventions, donc des débats cette fois-ci tripartites au sein de la Conférence internationale du travail, donc la deuxième entité de cette OIT. Et il y aura la deuxième convention porte sur le chômage hein, en 1919. Déjà. Oui, donc, oui, oui. Déjà. Et ça... là, après, au moment de la crise de 29-31, 32, et au moment de la mort de Thomas, il y a eu ce gros projet, effectivement, qui concernait les grands travaux, électrification, réseau routier, réseau ferroviaire. Et surtout, l'idée, c'est de faire travailler à peu près 500 000 personnes. Mm-hmm. Et qui ne va pas voir le jour au bout non, du temps. Non, il ne sera jamais financé. Françoise Thébault. Oui. Françoise Thébault, je croyais que vous vouliez intervenir. Oui, je veux bien intervenir. Marguerite Thibert avait une très très grande admiration pour Albert Thomas. Marguerite Thibert, il faut peut-être la présenter parce qu'on ne l'a pas encore présentée. Alors, et c'est l'héroïne de votre livre qui s'intitule Une traversée du siècle. Femme engagée et fonctionnaire internationale. Elle entre d'abord comme, non pas intérimaire, mais avec des contrats courts. Vacataire, donc à l'OIT au milieu des années 20, en 1925. Elle va devenir ensuite un des piliers de cette organisation internationale du travail. Je vous laisse continuer. Alors, oui, en quelques mots, pour la résumer un peu, un parcours de vie assez exceptionnel. Elle a vécu presque 100 ans, donc 1886-1982. Ses origines sociales, rien ne l'a prédisposée à devenir une fonctionnaire internationale d'importance, mais c'est une femme qui a voulu faire des études contre l'avis de sa famille et qui est la 14e doctoresse lettres, soutenant à Paris, à la Sorbonne en 1926, une thèse intitulée « Le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850 ». Et c'est important parce que son directeur de thèse est Célestin Bouglet et ce milieu intellectuel travaille beaucoup sur ce que les marxistes ont appelé ensuite les socialismes utopiques. Mmh. Et pour ce groupe-là, les organisations internationales nées des traités de paix sont dans la continuité un petit peu des aspirations des socialismes utopiques de la première moitié du 19e siècle. Alors, Marguerite Thibert arrive au BIT un petit peu par hasard, finalement, grâce à son directeur de thèse, Célestin Bouglet, mais parce que, et c'est toujours le caractère masculin de l'organisation, parce que Célestin Bouglet n'a pas pu envoyer au BIT pour remplir cette vacation un normalien. C'était un jeune homme qui était attendu à Genève, mais le jeune homme est déjà pris par ailleurs, il n'y a pas d'autres candidat potentiel, et Célestin Bouglet propose à Fernand Morette, qu'il connaît bien, un normalien, et à Albert Thomas, de lui envoyer sa jeune docteur, enfin elle a déjà 40 ans d'ailleurs, pour assumer cette vacation, qui est effectivement une vacation de 6 mois à l'origine. Pour elle, au départ, Marguerite Thibert ne travaille pas sur les questions de travail des femmes. Sa charge est de faire en quelque sorte une nouvelle synthèse sur les migrations. De la réglementation des migrations dans le monde des années 20, hein, puisque tous les États se ferment après la Première Guerre mondiale. Elle s'impose finalement par sa compétence, mais synthétiser, lire, traduire, synthétiser, ce sont des compétences acquises dans un travail de doctorat. En fait. Elle s'impose par sa compétence. Elle proteste aussi parce qu'elle n'est titularisée comme fonctionnaire qu'au bout de 5 ans, ce qui est quand même une fourchette très haute. Elle manque de démissionner d'ailleurs. Elle menace de démissionner et puis elle reste tout compte fait parce qu'on va lui donner un nouveau contrat, c'est ça ? Un nouveau contrat, oui. Pourquoi reste-t-elle titulaire vacataire si longtemps ? Alors, parce qu'elle est une femme, peut-être, mais essentiellement parce qu'elle est française et qu'à la fin des années 20 ou au début des années 30, le BIT doit internationaliser son recrutement, qui est majoritairement, les fonctionnaires sont majoritairement des Français et des Anglais. Mais Françoise Thébault, il y avait des préconisations, enfin Françoise Thébault ou Sandrine Cotte, Isabelle Morel-Espinet, il y avait des préconisations pour que des femmes puissent, à l'origine, hein, dans l'article 3, puissent entrer, avoir des responsabilités au sein de cette organisation. C'est un peu compliqué, oui. Alors effectivement, comme membre du bureau, il est dit qu'un certain nombre des fonctionnaires doivent être des femmes. C'est beaucoup moins égalitaire que le pacte de la Société des Nations, où là, la formulation est plus égalitaire. Il était dit aussi que si une conférence internationale discute de questions ayant rapport au travail des femmes, il faut qu'il y ait dans les délégations envoyées donc à la Conférence internationale du travail des femmes comme déléguées ou conseillères techniques. Et mais les gouvernements, les syndicats résistent beaucoup à cela. Bien sûr. Sandrine Cotte, tout de même, il y a quelque chose de très fort. C'est, on l'entend et on le lit dans le livre de Françoise Thébault. Il y a ce qu'on a appelé plus tard l'esprit de Genève. Ça a été, c'est une invention, évidemment, une invention de tradition, pourrait-on dire, ou une mythologie européenne. Ah, faut pas dire ça aux jeunes voix. Mais néanmoins, cet esprit de Genève fait aussi que des gens vont faire le chemin jusqu'à Genève pour participer à la création de ces organisations. Et vous en avez cité quelques partis, des catholiques sociaux, des socialistes libéraux, qui donc à un moment ou un autre se disent c'est là-bas qu'il faut peut-être aller pour pouvoir construire une société de paix après la Première Guerre mondiale. Bon, alors il y a toute une discussion autour de cet esprit de Genève. Quand on est à Genève, c'est toujours extrêmement compliqué d'aborder cette question. On n'est pas à Genève. Je suis en terrain neutre pour une fois. Je suis en terrain neutre sans être à Genève, parce que les Genevois pensent que l'esprit de Genève, c'est l'esprit de la paix. Hein, c'est la manière dont ils ont construit leur propre mythe national, le pacifisme, l'esprit de la paix, etc. En réalité, et c'est comme ça qu'ils expliquent en partie le fait que les premières grandes organisations intergouvernementales se sont installées à Genève. Alors, les gens qui travaillent dessus, qui travaillent de manière plus détaillée, montrent que, en réalité, il y a d'autres types de, évidemment, de raisons qui ont primé, et en particulier tous les réseaux protestants, puisque Wilson a été extrêmement important pour la mise en place, donc, de ces premières organisations internationales, et que lui-même donc était très attiré par Genève pour cette raison-là. Donc l'esprit de Genève, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire le pacifisme, les réseaux protestants, etc.? C'est très compliqué. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose concernant les femmes dans les organisations internationales, parce qu'on oublie un petit peu ça, et en particulier pour l'implantation genevoise. Pour les femmes, il y avait quand même beaucoup de femmes dans les organisations internationales. Elles ne travaillaient pas dans les postes les plus exposés. Elles travaillaient, c'était des petites mains. On les voit très bien sur les films documentaires là qui ont été ressortis récemment. Elles sont là dans les services de documentation, elles coupent les articles de presse, etc. Elles font des travaux qui, en fait, sont très qualifiés, mais qui sont dans des positions inférieures. Et c'est presque 50% quand même de la main-d'œuvre, aussi bien au Bureau international du travail qu'à la Société des Nations. Elles sont importantes et ça fournit du travail aux genevoises, qui en sont extrêmement contentes, bien sûr. Ça leur permet d'entrer dans le monde du travail, et aussi aux Françaises autour. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est très important. C'est vrai, Niata. Oui, dans cette optique, donc, l'objectif de l'OIT, on a compris, c'est de mettre en place une normativité, en fait, du travail mondial, ce qui est c'est une mission, une ambition énorme, Isabelle Morel-Espinet. Alors, comment s'y prendre? Et notamment, vous avez travaillé, vous, sur les outils qui peuvent être utiles. Il faut connaître le monde ouvrier. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait aussi l'AIT précédemment. Et comment comprendre ce monde? Alors, je dis ouvrier ou des travailleurs, mais pour l'instant, c'est sans doute le monde ouvrier en premier lieu. Il faut faire des enquêtes, il faut faire des études, qu'elles soient des enquêtes de terrain, des enquêtes bibliographiques. Enfin voilà, vous parlez très bien de cette mise en place, et c'est aussi ce que fera Marguerite Thibert. Enfin, elle sera experte, donc ce sera quelqu'un qui ira aussi sur place, censé observer ce monde du travail pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Alors c'est effectivement le travail du Bureau international du travail que d'enquêter, sa mission est scientifique avant tout, enquêter donc sur le monde du travail, alors soit directement dans le cadre de missions, et donc des fonctionnaires vont dans divers pays étudier, observer, par exemple sur la santé au travail, ils vont voir des endroits où il y a eu des accidents du travail ou bien des mines qui sont vraiment exceptionnellement bien protégées. Et puis, il y a aussi beaucoup d'enquêtes qui sont déléguées parce qu'évidemment, la mission est trop vaste. Donc, on demande à des gens, à des médecins dans des hôpitaux ou bien à des ingénieurs ou des inspecteurs du travail de faire remonter leurs enquêtes de terrain au niveau national, via leur ministère du Travail, et après au niveau du BIT à Genève. Et donc il y a un gros travail de d'interprétariat, hein, de traduction, c'est vraiment essentiel. Et la plupart des fonctionnaires, et notamment les femmes qui sont dans ce cadre moyen de cette administration, parlent 4, 5, 6 langues et donc traduisent ces enquêtes. Et ensuite, il y a une synthèse qui est faite. Et cette synthèse, elle est diffusée. Ça, c'est l'autre pan important du travail du bureau, c'est de diffuser l'information parce qu'ils sont persuadés qu'il y a une façon de faire de la pédagogie sur le long terme, et donc en diffusant soit par des revues, comme la Revue internationale du travail, et puis beaucoup de services ont leurs propres revues spécialisées, et surtout, ce sont des rapports dont vont disposer les commissions techniques au moment de, la conférence internationale du travail, donc une fois par an, là où se retrouvent les différentes délégations, salariés, travailleurs, patronaux et État. Gouvernement, État. Voilà. Et là, le débat s'organise souvent à partir de ces rapports. Mmh. Donc c'est vraiment extrêmement important, ces rapports. Et parmi les sujets, évidemment, la question de la santé au travail. En 1969, donc pour les 50 ans de cette OIT, le syndicaliste belge Jacques Vinans s'intéressait à cette question et en parlait dans l'émission L'Union radiophonique internationale qui était diffusée à l'époque sur France Culture. Évidemment, on se trouve là sur un terrain où les intérêts ne sont pas nécessairement divergents. Encore qu'il faut mettre des nuances, l'employeur est beaucoup plus sensible au risque d'accident parce qu'immédiatement il est pénalisé, il risque d'être pénalisé par sa compagnie d'assurance qui exige à ce moment-là des primes beaucoup plus importantes. Par conséquent, pour lui, diminuer les accidents, c'est en même temps obtenir que sa prime d'assurance soit maintenue ou même soit diminuée si c'est possible. D'autre part, il y a la perte des journées de travail qui vient influencer tout cela. Il est moins sensible à l'aspect hygiène, parce qu'on s'habitue à vivre dans certaines conditions d'hygiène assez primitives, et pour lui, il ne voit pas immédiatement l'intérêt. Il n'y a qu'un moyen, c'est de faire en sorte que l'aspect humain soit un peu plus pris en considération dans tous les domaines, non seulement dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail, mais aussi dans le domaine des rythmes de travail, de la position même de l'ouvrier au sein de l'entreprise. Il est encore trop considéré comme une espèce de mécanisme qui doit se prêter à exécuter une besogne préalablement pensée par quelqu'un d'autre. Et à cet égard-là, le travail à pièces, le travail à prime, le calcul intensif du rendement n'est peut-être pas la solution. Ce n'est pas là qu'il faut chercher, je crois, une amélioration de la productivité. Alors, où faut-il chercher, où mettre l'accent ? Sur l'équipement, sur l'adaptation du travail à l'homme, mais pas l'inverse. Pas sur l'adaptation de l'ouvrier à la machine, mais penser, quand on imagine une machine, qu'elle devra être conduite par un être humain, et par conséquent qu'il faut ne pas à nouveau créer une nouvelle relation homme-machine qui sera nocive. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. C'était donc le syndicaliste belge Jacques Vinans dans l'émission Union radiophonique internationale diffusée sur France Culture en juillet 1969 pour les 50 ans de l'Organisation internationale du travail. Nous en fêtons aujourd'hui les 100 ans. Séverine Yatta. On entend bien Isabelle Morel-Espinet, donc la relation homme-machine, c'est-à-dire l'homme ne doit plus être dépendant de la machine, mais c'est l'inverse. Et on comprend aussi que la santé des travailleurs devient un bien commun. Et ça, c'est cette idée-là que va défendre évidemment l'OIT. Et voilà, donc cette idée n'émerge pas dès les années 30, hein, bien sûr, le 19e siècle. Déjà, le 19e siècle, mortifère, vous dites Isabelle Morel-Espinet, parce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail, beaucoup de morts, beaucoup de blessés au travail dans le monde ouvrier à cette époque-là, et qu'on s'interroge. C'est aussi la main-d'œuvre qui est en danger. Il y a des questions aussi démographiques, tout simplement. Alors, Jacques Vinans, là, nous fait une déclaration qui est vraiment extrêmement intéressante. Alors, lui, pour le situer rapidement, c'est un chrétien, syndicaliste du textile au départ à Verviers, hein, qui avait vécu le lockout de 1934, et donc qui est extrêmement bien introduit, hein, dans le dialogue tripartite, hein, et ce sera d'ailleurs un objet de l'un de ses livres, hein, sur les conseils d'entreprise dans les années 50. Alors, la question là de la santé est bien présentée, c'est-à-dire que effectivement, est en 69, hein, quand même. Oui, on est en 69. Hein. Ouais. Alors, il y a un consensus sur les accidents du travail, parce que comme il le dit, ça coûte cher aux entreprises. Et donc, les accidents du travail, c'est par là que ça commence, hein, finalement. Et c'est le consensus est facile à obtenir. En revanche, il est très difficile à obtenir sur la question de la reconnaissance des maladies professionnelles. Parce que elles sont, enfin, on l'a vu dans d'autres émissions, hein, elles sont lentes à se déclarer. Et puis, il y a toute la question de la prédisposition ou pas. Donc, c'est un pan important, effectivement, de la réforme menée par l'OIT, dès le début, hein, avec en commençant par les femmes et les enfants, et puis ensuite en s'intéressant à des catégories de professionnels particulières comme les dockers, par exemple. Et Sandrine Cotte, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre en place, disons, une procédure pour pouvoir faire dialoguer entre eux des représentants du patronat, des représentants des États et des représentants des syndicats, des représentants des travailleurs. Ça n'est pas si simple que d'imaginer cette procédure et de faire en sorte qu'elle perdure pendant 100 ans, en l'occurrence. Alors bon, ce qu'on a entendu là, c'était très intéressant. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que c'est en 1969. Donc en 1969, par rapport à ce dont on a discuté jusqu'à présent, c'est quand même assez longtemps, 50 ans, donc après la fondation de l'organisation, et les choses ont déjà quand même beaucoup changé. Or, la manière dont s'exprime ce syndicaliste, Wynand, c'est il s'exprime comme on pouvait s'exprimer dans l'entre-deux-guerres, en réalité. C'est-à-dire qu'il parle essentiellement des ouvriers masculins, au fond, de la grande industrie. Or, en 1969, l'OIT est passée à 120 membres. On a donc énormément de pays récemment décolonisés qui viennent d'entrer à l'Organisation internationale du travail. Et ces pays sont confrontés, pour ce qui est de la question du travail, à des choses très très différentes. Et en particulier, pour répondre plus précisément à votre question, au fait que dans beaucoup de ces pays, le syndicalisme n'est pas organisé comme il était organisé dans les pays du Nord, les pays européens, et que donc la représentation du monde du travail est beaucoup plus compliquée. Et y compris d'ailleurs la représentation du monde des employeurs est plus compliquée. Donc en réalité, moi j'ai trouvé très intéressant d'avoir ce décalage chronologique. Oui. On a quelqu'un qui parle de sa position de syndicaliste bien installé dans la période de l'entre-deux-guerres, sur un monde qui est déjà un monde qui a beaucoup changé et où la question du tripartisme commence à se poser parce que les nouveaux pays entrants sont des pays dans lesquels le travail informel, ce qu'on appelle le travail informel, le travailleur informel, sont extrêmement nombreux, les plus nombreux en réalité, et en particulier les travailleurs agricoles. Sébrine Nata. Mais en même temps, enfin, bon, c'est aussi ce moment-là où les médecins du travail vont mettre un pavé dans la mare, par exemple, pour dénoncer l'inefficacité, finalement, de leurs travaux. Est-ce que vraiment il est si décalé que ça, Jacques Wynand, à cette époque? Il n'est pas décalé comme belge, mais il est décalé par rapport à la réalité, à cette époque, de la composition de l'Organisation internationale du travail, dont d'ailleurs une grande partie des politiques. On entre maintenant dans des grands programmes de développement dirigés vers les pays du Sud, enfin donc les pays récemment décolonisé. Donc lui, il parle de son point de vue. Il est parfaitement légitime à parler de son point de vue. Mais sur ces problématiques de santé, de dépendance, Isabelle Morales-Kinney. Ces questions de pays décolonisés, elles se posaient déjà dans les années 20 et 30 pour les pays colonisés. Pour les populations colonisées qui travaillaient déjà dans des situations qui n'étaient pas identiques. Avec des métropoles qui d'ailleurs ne voulaient pas appliquer les accords qui passaient dans les colonies. Sauf que les conventions ne s'appliquaient pas. Enfin, il y avait des possibilités de dérogation. Or, l'Empire britannique comme l'Empire français, généralement, n'ont pas appliqué les conventions dans leurs colonies. Donc le problème se posait moins. François Stébo, vous qui avez travaillé sur cette figure très importante de Marguerite Thibert, que vous sous-titrez « Femme engagée et fonctionnaire internationale » dans votre livre sur elle chez Belin, elle a continué à œuvrer. Elle n'était pas simplement une pionnière arrivée au milieu des années 20 à l'OIT. Elle a continué à œuvrer pendant toute une longue période, et en particulier pendant cette après-Seconde Guerre mondiale, et en particulier par des missions qui la conduisent un peu partout dans le monde. Et évidemment, elle doit aussi tenir compte justement des situations très différentes qu'elle trouve dans des pays qu'on appelle à partir de ce moment-là des pays du tiers-monde et des pays développés. Alors tout à fait. Rappelons quand même qu'elle a dirigé un nouveau service créé fin 1933, le service du travail des femmes et des enfants, le nom change, hein, des jeunes travailleurs, jusqu'à sa retraite, enfin, normalement attribuée à 60 ans. Le statut du personnel est assez favorable, le statut du personnel du BIT, mais c'est une femme pour qui le travail constitue l'essentiel de sa vie. Les engagements pour elle, travailler à l'OIT, c'est en même temps militer pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleurs du monde entier. Donc, elle va poursuivre après-guerre, bien que retraitée officiellement de sa fonction de fonctionnaire internationale, elle va être réembauchée sur des contrats temporaires pour des missions. Alors d'abord, extrêmement importante, elle est une des fonctionnaires qui connaît très très bien l'institution et qui va jouer un rôle fondamental à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour défendre les compétences de l'OIT à l'intérieur du nouveau paysage onusien. Finalement, l'OIT aurait peut-être pu disparaître en 1945 comme la Société des Nations. Et l'OIT va défendre ses compétences dans ce paysage, ces nouvelles agences de l'ONU. Et Marguerite Hibert va contribuer à cela. Elle sera ensuite envoyée en mission dans les nouveaux pays émergents issus de la décolonisation pour mettre en place des programmes de formation professionnelle. Ça fait partie de l'assistance au développement. Et particulièrement des programmes de formation professionnelle pour les femmes et les jeunes filles. Mmh. Et là, elle va aussi toujours... Marguerite Hibert est une travailleuse infatigable, mais aussi une travailleuse militante, en fait. Son travail, elle le voit comme une sorte de mission. Elle veut défendre les femmes, le travail des femmes, qui pour elle est le véritable critère de la libération des femmes à travailler, l'indépendance économique. Et donc, dans ses missions dans les pays qu'on appelait alors sous-développés, elle défend la formation professionnelle des jeunes filles pour des métiers qui ne sont pas seulement fabriquer des tapis ou le service domestique, mais d'autres formations, employées, même progressivement, travailler dans les petites usines électriques, etc. Bon. Et elle s'oppose parfois à des fonctionnaires du BIT, ou d'autres agences de l'ONU qu'elle qualifie de conservateurs, notamment sur la question des droits des femmes ou de la reconnaissance des compétences féminines. On voit bien combien, effectivement, la question des indépendances, en particulier, a posé des problèmes à cette organisation. On a, et pas simplement à l'organisation, aussi au gouvernement qui y siège. On a un reportage de 1956 que vous avez retrouvé, Séverine Yatard, dans l'émission Paris vous parle. 1956, eh bien, on évoque justement cette entrée de plusieurs nouveaux pays dans l'OIT. Journée importante aujourd'hui pour la Tunisie, le Soudan et le Maroc. Ils ont en effet, tous trois, été admis à l'unanimité comme membres de l'Organisation internationale du travail à Genève. Journée importante bien sûr pour ces trois pays nord-africains, puisque après leur récente admission à l'Organisation mondiale de la santé, les voici membres de plein droit d'une seconde organisation internationale spécialisée des Nations Unies. Il appartenait à M. le ministre Henri Hawke, chef de la délégation gouvernementale française, de proposer ses candidatures en sa qualité de président de la commission de proposition de l'OIT. Aussitôt, au nom de la France, il appuyait chaleureusement les demandes d'admission de la Tunisie et du Maroc. Signalons que l'Espagne, membre de l'OIT depuis 10 jours seulement, appuyait également la candidature marocaine. Toutefois, les discours de plusieurs pays du bloc arabe devaient assombrir la sérénité des débats. En effet, M. Ahmed Ben Salah, délégué ouvrier de la Tunisie, déclara que sur l'échiquier international, il fallait souvent jouer aux acrobates pour obtenir une assistance et que pour lui, le combat n'était pas terminé puisque les flancs de son pays étaient menacés par une horrible guerre. À son tour, le délégué gouvernemental de la Syrie, M. Hissan Joukadar, parlant également au nom de la Jordanie et du Liban, a formulé l'espoir, je cite, « de voir à l'Organisation internationale du travail, dans un proche avenir, un autre pays arabe et nord-africain qui mène actuellement la lutte pour son indépendance ». Fin de citation. La session de l'Organisation internationale du travail n'est pas une tribune politique. Dans la mesure du possible, elle s'est toujours scrupuleusement gardée de politiser les questions sociales qui sont l'essentiel de ses préoccupations. Aussi, M. Henri Hawke, délégué gouvernemental français, l'a rappelé avec autorité. Voilà, rappelé avec autorité, effectivement, qu'il ne faut pas contester la politique de la France en Algérie, en particulier en 1956. Sandrine Cotte. C'est très intéressant, hein, tous ces éléments de langage. D'abord parce que c'est pas Hawke qui a contesté essentiellement ce qui avait été dit par les pays arabes, mais Valine, le représentant patronal en fait, qui est intervenu deux fois pour contester précisément ce qui avait été dit par les représentants, en particulier Ben Salah, hein, le représentant syndical tunisien. Donc c'est très intéressant. Alors il faut resituer ça, hein, faut vraiment contextualiser, c'est très très important. 56, c'est un an après 55, après Bandung, et on a là en fait déjà l'organisation à l'international d'un bloc qui est le bloc des pays en voie de développement ou des pays sous-développés comme on disait à l'époque, et qui va donner naissance ensuite au non-alignement la revendication essentielle de ces pays, et c'est ce qui a été un petit peu, il y a été fait allusion, c'est le droit au développement. Le droit au développement. Ils considèrent qu'ils ont été pillés par les Occidentaux et que, en conséquence de quoi, en réparation des pillages de la colonisation, eh bien, ils ont un droit au développement. Et à cet égard, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, donc, est un des acteurs de ce développement, en particulier grâce à ce que vient de dire Françoise Thébault, à la politique de formation dont elle est chargée dans le cadre des programmes de développement des Nations Unies. En ce sens, en fait, il n'y a pas de politisation, contrairement, c'est une fausse interprétation, il n'y a pas de politisation du discours, c'est simplement que, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, les enjeux ont changé. On n'est plus dans la politique sociale telle qu'elle se formulait dans la période de l'entre-deux-guerres, mais on est dans des nouveaux enjeux qui sont les enjeux de développement pour ces pays qui sont les nouveaux pays émergents en quelque sorte, ou les pays qui sont décolonisés, et qui se... Chose très intéressante, les organisations internationales sont pour eux des forums à travers lesquels ils arrivent à se faire ensemble et à s'organiser internationalement. Isabelle Lespinet-Moret. On assiste en fait au cours du XXe siècle à des déplacements successifs du centre névralgique de l'OIT. C'est-à-dire qu'au départ, c'est effectivement les pays européens et nord-européens. Les années 20 et 30, c'est l'ouverture progressive à l'Amérique du Nord et du Sud et à l'Asie. Et puis, surtout, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une vraie mondialisation et une ouverture et une sensibilité très importante à la question des pays émergents en Afrique. Oui, mais justement, est-ce que ça pose des problèmes, cet élargissement? On sait combien la question de l'élargissement européen a été compliquée, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes statuts, on n'a pas les mêmes façons d'envisager le travail, par exemple en Europe, que ça soit dans l'Est de l'Europe il y a quelque temps et dans l'Ouest de l'Europe ou au Sud. J'imagine que quand on multiplie les intervenants, il y a multiplication des problèmes potentiels. Alors, de ce fait, les conventions sont de plus en plus difficiles à établir pour avoir un socle commun viable pour tout le monde. En réalité, excuse-moi Isabelle. C'est le problème à chaque fois, la tension entre le social et l'économique, comme on l'a entendu dans le texte de Thomas au départ. Il est très clair que l'Organisation internationale du travail modifie en fait son rapport à la question du travail dans les années 50, 60, 70. Les dernières grandes conventions sont des conventions, en particulier celle de 1952 sur la sécurité sociale, montre très bien à quel point il y a une adaptation en fait du travail conventionnel aux différences de développement des différents pays. Mais surtout, à partir des années 50, l'organisation va se dévouer essentiellement à des programmes de développement, et au sein de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, l'Organisation internationale du travail va être en charge de la formation de la main-d'œuvre, de la formation du management, et elle va développer donc des programmes de ce type. À partir de 69, elle va développer un nouveau grand programme international qui va être le Programme mondial pour l'emploi, qui est un des grands programmes de l'OIT, qui va être en fait de former la main-d'œuvre pour, dans les pays du Sud, pour lui mettre le pied à l'étrier sur des nouveaux emplois. Donc, il faut bien comprendre que là, il y a vraiment un changement de philosophie complète de l'organisation qui va, pour l'essentiel, donc, le travail conventionnel continue, mais il y a beaucoup d'autres choses que fait l'organisation pour répondre aux demandes, en fait, de ces nouveaux pays. Et ça rompt finalement avec cette idée de coopération, ou alors ça va dans le même sens, de coopération des travailleurs, d'aller à l'encontre de la concurrence aussi, parce qu'il y avait ces enjeux-là dès le départ. Évidemment. Et de fait, la question syndicale dont on a pas beaucoup parlé ce matin, est extrêmement importante durant toute la période. Et aujourd'hui, elle se pose avec la question du droit de grève que l'OIT a pour l'instant toujours évacué dans ses conventions. Ah oui, oui. Ah oui. 100 ans et toujours pas de droit de grève. Voilà. Et c'est une grande tension en ce moment entre les délégations des employeurs et des salariés sur cette question. Françoise Thébault, vous vouliez intervenir ? Oui, en fait, bon, Marguerite Thibert est quand même beaucoup moins active après la Seconde Guerre mondiale, même si elle travaille jusqu'à ses 80 ans, dernière mission en Algérie en 1966, où elle s'oppose au conservatisme du régime en place, du régime de Boumédienne, et aux fonctionnaires internationaux, très conservateurs aussi, sur les questions de travail des femmes. Sandrine Cotte, vous vouliez intervenir ? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est extrêmement important, en fait, de prendre en considération, effectivement, cette évolution. Et c'est vrai que de l'après Seconde Guerre mondiale et du fait qu'on a des pays qui ont des revendications à l'égard de l'organisation, parce qu'elles posent des revendications à l'égard de l'organisation, qui sont des revendications nouvelles, effectivement, de formation, d'emploi, etc. C'est intéressant de considérer que en 56, quand le Maroc, la Tunisie et la Soudan entrent à l'organisation, ils ne sont pas encore membres de l'ONU, ces pays. C'est-à-dire que, au fond, ils attendent de ces organisations internationales une aide, véritablement une aide, alors que les pays du Nord, quand ils étaient membres de l'organisation, ce qu'ils voulaient faire, eux, c'est réguler la globalisation économique, hein, dès le départ. Mmh. L'idée, c'est on fait de la politique sociale, et si on fait de la politique sociale, alors on va être éventuellement dans une position de plus grande fragilité par rapport à nos concurrents. Les pays du Sud, leur objectif, c'est un objectif un petit peu différent. Ils attendent, même très différent, ils attendent, en fait, de l'aide de ces organisations, et les pays du Nord, à ce moment-là, reviennent sur cette question de, attendre. Attention, ces pays, ils vont rentrer en concurrence avec nous parce qu'ils vont avoir une main-d'œuvre moins payée, moins protégée et on va être dans des situations de dumping social. On voit bien la difficulté pour une organisation internationale à se vouloir au tout départ, parce que je pense qu'il y avait cette vision-là universelle d'une certaine façon. Et cet universalisme, comme pour beaucoup des grandes organisations internationales, est battu en brèche par des revendications qui disent, eh bien, c'est votre universalisme, ça n'est c'est pas ça. Le nôtre. D'une certaine façon, Isabelle Lespinet-Moret. Alors, il y a effectivement cette tension permanente et les pays qui ont été des adhérents du départ et qui sont des pays riches n'ont plus tellement intérêt à proposer des conventions ou à signer des conventions qui concernent qui sont moins disantes finalement par rapport à leur propre législation jusqu'à un certain point. Et puis, il y a aussi des renversements aujourd'hui avec le démantèlement dans certains pays, tenté au moins, de la sécurité sociale, du droit du travail, du code du travail, où là, effectivement, on se trouve dans un autre cas de figure. Et puis, il y a aussi les cas de crise, sont abordés d'ailleurs dans le mouvement social, la comparaison entre 1929 et 2008 par... Marie-Cluis, qui travaille sur cette problématique. C'est-à-dire que finalement, et le rôle de l'OIT à ces moments-là de crise économique, est-ce que elle a été de premier, est-ce que son rôle a été de premier plan? Alors, l'OIT essaie toujours de proposer sa vision des choses, sa lecture, son analyse. Malheureusement, elle est souvent battue en brèche par d'autres organisations plus puissantes, surtout dans le domaine économique. Sandrine Cotte, très bien. D'accord. Donc, il faut rappeler une chose, c'est que l'Organisation internationale du travail a essayé d'introduire en 1995, au moment de la fondation de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, des clauses sociales dans les traités de commerce. Et à ce moment-là, pour rebondir sur la question des pays du Sud, à ce moment-là, ce sont les pays du Sud, en particulier l'Inde, qui s'est opposé, y compris d'ailleurs les syndicats indiens qui se sont opposés à l'introduction de clauses sociales dans les traités de commerce. Pourquoi ? Parce que, au fond, d'une certaine manière, eh bien, le moins-disant social, d'une certaine manière, les met dans des positions économiques plus favorables par rapport aux pays du Nord. Donc on voit très bien que là, il y a beaucoup à faire du point de vue de l'OIT. Merci beaucoup, Sandrine Cotte. Je rappelle que vous avez coordonné un numéro du mouvement social, c'était l'année dernière, sur cette même Organisation internationale du travail, auquel a participé entre autres Isabelle Lespinet-Moret, et que vous avez vous-même, Isabelle Lespinet-Moret, écrit avec Vincent Viette un livre qui s'intitule L'OIT, origine, développement, avenir. Quant à Françoise Thébault, qui était avec nous en duplex depuis les studios de Grenoble, que nous remercions, de Radio France à Grenoble, que nous remercions de l'avoir accueillie, eh bien, elle est l'auteur d'une très belle traversée du siècle, Marguerite Thibert, femme engagée et fonctionnaire internationale, une biographie exemplaire, donc aux éditions Belin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et par Marion Dupont. Clément Daté nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard était à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, si vous voulez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter, et bien par exemple pour Twitter, il faut faire cette adresse Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, on se retrouve, Séverine Attard, pour le troisième volet de cette série. On poursuivra cette problématique de la politisation ou non des organisations internationales.